Wolf, d'un résistant, qui est mort en 47. Mm-hmm. Mais je n'ai pas connu mon père. Mm-hmm. Donc, elle est venue, quand nous, adultes, on est venus ici, comme tout autre Italien, mais seulement nous, un fils d'un résistant dans le sud, il n'y avait pas de boulot. Moi, mes frères, on était à l'orphelinat. Pas de rendez-vous, pas d'allocation familiale. Alors ma mère, elle est venue ici, elle travaille à l'Iril. Il y a une seule femme qui a eu les ouvriers chez Iril, c'est la seule personne qui a su s'opposer à la prépotence. Elle a été licenciée deux fois. Et deux fois, ils l'ont intégrée. L'Église catholique, elle avait une emprise très forte. Ma mère a travaillé là. Il y avait des problèmes de santé du personnel. Il appelait une maladie des femmes, l'irilite. Vous n'avez jamais entendu parler? Bah dans le film, ils en parlaient dans le film. Alors, l'irilite, alors quand ils avaient des commandes de 50, 5000 paires de bas, les médecins, dis donc, il faut nous envoyer le personnel. Ils étaient enceintes, ils avaient des problèmes, c'était malade, ou des enfants malades, etc. Ils devaient aller travailler.